Chapitre 28e, l'explosion. Que signifie cette scène, Cyril Dare? Si Cyril avait supposé que le patron fût aussi près de lui, il se serait peut-être retenu. Il restait appuyé contre le comptoir, le front plissé, l'œil furieux. William avait l'air irrité. Monsieur Ashley, calme et digne, attendait une réponse. Aucune réponse n'arrivait. « Voulez-vous me l'expliquer ?» demanda le patron en se tournant vers William. « Une querelle dans ma chambre ?»« Je ne puis pas, monsieur, » répondit William en recouvrant son sang-froid. « Je n'y comprends rien moi-même. Je n'ai rien fait que je sache pour provoquer Cyril. J'ai seulement dit que je reverrais les gants qu'il avait assortis. »« Qu'est-ce que c'est que ces gants jetés ici ?»« Je lui montrais que ce ne sont pas des gants de première qualité. »« Pardon, monsieur, » riposta Cyril. « Je n'en ai pas mis une seule paire qui ne fût de première qualité. » Le patron alla ramasser lui-même les gants, les porta à la lumière et les examina. « En voici deux paires de seconde et une de troisième qualité, » dit-il. « Vous dormiez sans doute quand vous avez mis celle-là parmi les premières ?» montre la dernière paire à Cyril. « Elle est tachée. »« Oh, naturellement, vous soutiendrez Halliburton, quoi qu'il dise. Il y a longtemps que ça dure. » Il parlait d'un ton d'insolence que jamais la manufacture n'avait entendu vis-à-vis de M. Ashley. Le patron le regarda et se contenta de dire d'un accent significatif « Vous vous oubliez, Cyril ?»« Tout ce qu'il fait est bien, tout ce que je fais est mal !» persista Cyril. « Vous le traitez, monsieur, comme si c'était lui qui fait le gentleman, et non pas moi !» Un sourire mêlé de tristesse passa sur les lèvres de M. Ashley. « Qu'avez-vous dit, Cyril ? Répétez-le. « Je vous prie, je voudrais bien l'entendre encore une fois. » Ce ton de plaisanterie ne calma pas la colère de Cyril. « La vérité, monsieur, c'est que je ne veux pas me soumettre plus longtemps à cet état de choses. Je n'ai pas été placé ici pour être dominé par William, et si les choses ne marchent pas sur notre pied, l'un de nous deux doit quitter. » « Alors, puisque nous en sommes là, j'en dirai autant, » interrompit William. « Il est grand temps, en effet, que les choses marchent sur un autre pied. Cyril, vous m'avez forcé à parler et vous en supporterez les conséquences. Monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers M. Ashley, mon autorité est tournée en ridicule devant les ouvriers. Cela n'est pas tolérable. Par qui votre autorité est-elle tournée en ridicule ? Demanda le patron. Vous pouvez le demander à Cyril, monsieur. Avez-vous fait cela ? Demanda M. Ashley. C'est très possible, répliqua insolemment Cyril. Vous savez bien que vous l'avez fait, reprit William. Hier encore, M. Ashley, comme j'ai donné des directions au teinturier, il a tourné si bien mes paroles en dérision que l'un d'eux m'a demandé si j'avais bien reçu l'ordre de leur dire ce que je leur commandais. Si l'autorité qui m'est confiée est minée de la sorte, elle sera bientôt réduite à néant. M. Ashley paraissait plus irrité que William ne l'avait jamais vu. Il resta un moment les lèvres tremblantes de colère, puis il ouvrit la porte. « Dick !» Dick, petit négrillon de 10 ans, vint en courant. « Plaît-il, monsieur ? Sonne la grande cloche !» Dick ouvrit de grands yeux, sonnait la grande cloche entre 10 et 11 heures du matin. C'était une merveille qui n'avait jamais eu lieu, à la connaissance de Dick, mais il fallait obéir et non pas questionner. Et Dick, saisissant la corde de la grande cloche, fit entendre des rappels prolongés. Le patron passa dans la chambre de service. « James, fais sonner la grande cloche pour rassembler les ouvriers. Donnez-leur l'ordre de venir dans ma chambre. Vous et Mathis, venez avec eux. » Les ouvriers arrivaient de toutes les parties de la manufacture, tout aussi étonné que Dick lui-même. Quel pouvait être le but de cette réunion dans la chambre du patron ? On eût dit un océan de têtes curieuses. Dick, consigné à l'arrière-plan, monta sur le linteau de la porte et s'y tint perché d'une manière assez comique. M. Ashley attira William à côté de lui et posant sa main sur son épaule. « On m'a dit que l'autorité conférée par moi à M. Halliburton n'a pas été respectée par tous les ouvriers de ma fabrique. » Je vous ai fait appeler afin de vous donner personnellement mes ordres sur ce point. Il n'y a donc désormais aucun malentendu. Sachez que, quelles que soient les directions que M. Halliburton juge à propos de vous donner, vous les recevrez comme si elles venaient de moi. Je lui confère un pouvoir complet, et durant toutes mes absences, qu'elles soient d'un jour, d'une semaine ou de longue durée, rappelez-vous que M. Halliburton est le patron de la fabrique. Les ouvriers se tirèrent en signe de respect une mèche de cheveux et sortirent. Mais dans la chambre de service, ils s'arrêtèrent un moment pour causer. Un instant après, un vieil ouvrier à barbe grise rentra et s'adressa à M. Ashley. « Nous n'avons pas discuté ces ordres, monsieur, autant que nous nous y rappelons. Et si nous l'avons fait, c'est sans intention. Nous vous en demandons bien pardon. Après vous, monsieur, il n'y a pas de patron que nous aimerions tant que M. Halliburton. Nous avons autant de respect pour lui, monsieur, que s'il était votre propre fils. » C'est bon, mes amis, répondit avec bienveillance M. Ashley. Durant toute cette scène, Cyril, qui n'avait pas eu comme Dick une porte pour y grimper, avait tourné le dos à la foule et était resté debout devant le comptoir. Quand les ouvriers se furent éloignés, il alla droit à M. Ashley. « La place que vous donnez à Halliburton, c'est la place que je devais occuper, » dit-il, « c'est celle qui m'avait été promise. »« Non pas, » répondit M. Ashley, « il y a très longtemps, il est possible que vous en ayez parlé conditionnellement. »« Conditionnellement, je le répète, conditionnellement. »« Oui, d'après votre conduite et votre habileté. »« Qu'est-ce qu'il y a donc à reprocher à ma conduite, monsieur ?» demanda insolemment Cyril. « Elle est mauvaise, » répliqua sèchement M. Ashley. En public comme en particulier. Je vous ai déjà dit ce matin que je ne tenais pas à entrer dans les détails, vous devez le comprendre vous-même. On m'a fait espérer, monsieur, que vous me prendriez comme associé. Ce n'est pas moi qui vous ai dit cela. Mon père et ma mère m'ont donné cet espoir depuis mon arrivée ici. Ce n'est pas ma faute, rien ne leur en donnait garantie. Ils m'ont toujours dit que je deviendrais votre associé à votre gendre, persista Cyril. Vraiment. C'est fort obligeant de leur part de régler ainsi mes affaires. Et de disposer même de ma fille. Je vous prie, quelle charmante petite existence ont-ils rêvé pour Madame Ashley ou pour mon fils ? Cyril était exaspéré. Il aurait voulu s'élancer sur M. Ashley comme sur William. Je ne me serais jamais abaissé à entrer dans une manufacture de gants et à déshonorer ainsi ma famille, si j'avais su que je devais y rester simple commis. S'écria-t-il. Non, monsieur, certainement non. Je suis justement puni. Je suis justement puni d'avoir voulu descendre de ma position. Sans la pitié qu'il ressentait, M. Ashley se serait mis à rire. Mais il plaignait réellement Cyril. Il croyait que la mauvaise éducation qu'avaient reçue les jeunes d'air était la cause principale de leur malheur. Lui seul savait combien cette pensée l'avait rendu patient. Cyril le soupçonnait peut-être. « C'est une honte, » recommença-t-il. « Me traiter de la sorte, c'est me tromper. On m'a toujours répété que je serais votre associé. »« Halte-là, Cyril, je m'en vais vous éclaircir la question. » C'est votre père qui le premier a parlé de vous placer ici. Il vint un jour vers moi, dans cette même chambre, disant qu'il voyait bien que je ne mettrais pas Henry aux affaires, et que ce serait un bel avenir pour son fils Cyril, pour vous. Il fit une allusion au successeur dont je pourrais avoir besoin, mais je refusais nettement d'écouter cette suggestion. Tout ce que je concédais à M. Dare fut que, lorsque le temps viendrait, s'il venait jamais, j'aurais besoin d'un successeur, et si je trouvais que son fils m'avait servi fidèlement, qu'il avait eu une conduite et un caractère honorable, et que je puisse avoir confiance en lui, eh bien, je lui donnerai la préférence. C'est là tout ce que j'ai promis, Cyril, mais rien de plus. Et pourquoi ne voulez-vous pas me donner la préférence, monsieur ? Monsieur Ashley le regarde avec surprise. Il pencha la tête en avant et répéta d'une voix basse, mais significative. J'ai dit que vous fussiez honorable de conduite et de caractère, Cyril. C'était une des conditions indispensables. Les yeux de Cyril se baissèrent. Il daigna paraître un peu honteux. Il eut un moment de silence. Il reprit. « Alors je dois comprendre, monsieur, que tout espoir de jamais devenir votre associé a disparu pour moi ?»« Oui. »« Il y a de cela plus d'un an, Cyril. J'aurais tort de ne pas être parfaitement franc avec vous. Vous en viendriez à réformer votre conduite et à devenir un modèle de sainteté aux yeux de Helstonleigh, que je ne pourrais jamais associer votre nom au mien. Cette seule pensée m'offense. » Cyril, chose étonnante, contenait sa colère. Peut-être ferais-je mieux de m'en aller. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous ayez trouvé une place qui convienne mieux à vos goûts, à condition toutefois que vous vous conduisiez convenablement. Restez ici, sans rien voir au bout. S'écria Cyril, non, certainement non. Si je dois demeurer subalterne, j'aime mieux m'en aller ailleurs. J'en ai bien assez de votre fabrique. Il détacha son tablier, le jeta sur le plancher et sortit sans un mot de plus. Il traversa d'un air si furieux la chambre de service que James Macy se retourna pour le regarder et que Dick, qui se balançait sur le bord d'une caisse à charbon, s'imagina qu'il courait chercher les pompiers. Les suppositions de Dick furent troublées par la voix du maître qui l'appelait. « Emportez ce tablier, » lui dit M. Ashley. Et Dick releva le tablier et le plia soigneusement en attendant que Cyril rentrât. Il ne s'imaginait guère que la manufacture avait vu Cyril pour la dernière fois. M. Ashley souriait. Se rabaisser en entrant dans ma fabrique, déshonorer sa famille. La noble famille des Dare, Voyez-vous la chose au même point de vue que lui, William ? » William était resté dans la chambre, spectateur impassible de la discussion, continuant son ouvrage. Il se retourna. « Vous savez bien que non, monsieur. Vous m'avez dit une fois que cette position n'offrait aucun champ à l'ambition. N'est-ce pas le mot dont vous vous êtes servi ? Il n'y a pas, il est vrai, une forte dose d'ambition attachée à cette profession. Cependant, je suis content de ma carrière, William, quoique je ne sois que le manufacturier Thomas Ashley. » Content de sa carrière ? Combien d'autres l'auraient été ? William ne le dit pas. Il parla de Cyril. « Croyez-vous qu'il revienne, monsieur ? Je ne le crois pas. S'il le faisait, les portes lui seraient fermées. Il a quitté la maison de son propre mouvement. Je ne lui permettrai pas de rentrer. J'en suis bien fâché, c'est en partie ma faute. Tranquillisez-vous là-dessus, William. J'ai toléré Cyril. Je lui ai permis de rester par compassion. C'est tout ce que je puis dire. Il en éprouvera du chagrin. Ce sera une fête pour lui, bien au contraire. Il a détesté cordialement la manufacture depuis le jour de son entrée. Et maintenant, son émancipation va faire ses délices. Cyril Dare, mon associé. » William continuait son ouvrage sans parler, et M. Ashley reprit. « Il faut que je songe à quelqu'un propre à remplir le poste qu'ambitionnait Cyril. Ne pourriez-vous m'indiquer personne, William ?» M. Ashley était debout à côté de William, le regardant à sortir les gants laissés par Cyril. Il vit le rouge lui monter au front. M. Ashley posa sa main sur l'épaule de William, et d'une voix basse mais pleine d'émotion. « Le temps viendra, mon enfant, quand Thomas Ashley sera descendu dans la tombe, que le premier manufacturier de la ville pourra bien être William Halliburton. » Plusieurs coups de canne frappés à la porte interrompirent le patron. Il se tourna et vit entrer M. Dare. Cyril avait par hasard rencontré son père en sortant de la manufacture et lui avait fait un récit des plus exagérés de la scène qui venait d'avoir lieu. M. Dare venait pour en apprendre la raison. William quitta la chambre en jetant un regard de compassion sur l'air cassé, voûté, vieilli de M. Dare. M. Ashley raconta les détails de la scène, et M. Dare fut obligé de reconnaître que Cyril était dans ses torts, qu'il avait été trop prompt. « Je l'avoue, dit-il, il se sera laissé emporter par son caractère. Mais, M. Ashley, nous sommes parents. Vous devez céder sur un point, faire une concession. Quelle concession ? Renvoyer William Halliburton. Les choses ne marcheront jamais bien entre Cyril et lui. Cédez sur ce point pour nous obliger et renvoyez-le. Renvoyer William Halliburton ? S'écria M. Ashley avec surprise. Je pourrais tout aussi bien me renvoyer moi-même. William est ma main droite. La manufacture peut se passer de moi, mais je ne crois pas qu'elle puisse se passer de lui. Cyril peut prendre sa place. Cyril n'a pas les capacités nécessaires et... Cyril déclare qu'il ne rentrera pas ici tant que Halliburton y restera. « Cyril ne rentrera jamais ici, » répondit froidement M. Ashley. « Lui et moi, nous nous sommes quittés. Je vous remettrai ses appointements de la semaine, quoique légalement il ne les mérite pas. » M. Dare devint sombre. Il s'attendait depuis longtemps à cette explosion. « Vous aviez promis d'être bon pour lui, M. Ashley, de le prendre comme associé. »« Vous devez sûrement vous rappeler que je n'ai rien promis de ce genre. C'est ce que j'ai déjà répondu à Cyril. Tout ce que j'ai dit, et un homme d'affaires aussi habile que vous, ajouta-t-il avec intention, ne pouvait manquer de me comprendre. C'était que je choisirais plutôt Cyril s'il se montrait digne de la préférence, mais les circonstances ont fait que j'ai complètement dû abandonner cette pensée. Quelles circonstances ? M. Ashley ne répondit pas immédiatement. La question fut répétée d'un ton brusque. Je ne voudrais pas vous dire un mot qui blessa sans nécessité vos sentiments paternels, mais en affaires, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de parler clairement. La malheureuse notoriété acquise par vos fils a rendu le nom des Dare si équivoque que, n'y eût-il pas d'autre raison, je ne pourrais jamais l'associer avec le mien. Équivoque, comment donc ? M. Ashley avait peine à comprendre cette question. M. Dare attendait une réponse. « Vous me demandez comment ? » dit-il. « Je ne devrais pas avoir besoin de vous l'expliquer. Le scandale qui, en plus d'une manière, entourait Anthony, je regrette de faire ainsi allusion à lui, pauvre garçon. L'accusation de Herbert, le... « Herbert était innocent, » interrompit M. Dare. « Innocent du meurtre, sans doute. Aussi innocent que vous ou moi. Mais les gens ont associé son nom à d'autres idées. Regardez cette rumeur qui nous arrive d'Allemagne. L'imbécile !» exclama M. Dare. « C'est autant de déshonneur sur son nom, sur toute sa famille. » acheva M. Ashley, comme s'il n'avait pas été interrompu. « Les fautes de ses frères ne sont pas une raison pour repousser Cyril. Elles ne sont pas non plus la raison pour laquelle je le rejette. » répondit avec calme M. Ashley. « Non ? Et vous venez de le dire ? j'ai dit que la triste notoriété donnée par vos fils au nom d'Eder empêchait toute association avec le mien. En parlant de vos fils, j'y comprenais Cyril lui-même. C'est lui qui élève la plus grande barrière entre nous. Si les autres étaient respectables aux yeux du monde, Cyril ne le serait pas. Qu'a-t-il donc fait? Je ne tiens pas à vous le dire, vous devez en savoir assez vous-même. Allons, parlez donc, s'écria M. Der en se renfonçant dans sa chaise, le menton sur sa canne, comme quelqu'un qui se prépare à écouter un long discours. La conduite privée de Cyril est mauvaise, il... Folie de jeunesse, voilà tout, il s'en corrigera. Les folies de la jeunesse se terminent quelquefois par les crimes de l'âge mûr. Je suis heureux que mon fils ne soit pas dans cette catégorie. Votre fils ? Répéta dédaigneusement le vieil Anthony. Votre fils fait exception, il n'a pas la santé nécessaire pour s'amuser. Si les jeunes gens doivent être bons à quelque chose, il faut bien qu'ils s'amusent un peu. Un nuage de mécontentement passa sur le front de M. Ashley. Vous vous trompez, M. Der. Les jeunes gens qui ont de la valeur se tiennent à l'écart de ces folies. L'opinion publique a changé. La société comprend mieux son développement, et la mauvaise conduite d'un jeune homme riche et élégant commence à être appelée par son vrai nom. Croiriez-vous que Cyril, j'hésite à l'avouer, est venu plus d'une fois ici en état d'ivresse ? Ivre, M. Der. Non. Oui. Quel animal ! Fit avec colère le vieil Anthony. Il est déloyal, paresseux, menteur. Mais je vous l'ai déjà dit, je ne tiens pas à entrer dans d'autres détails. Étiez-vous au courant de la demande que Cyril m'a faite hier au sujet de ma fille ? Je n'en sais rien. Il m'a fait l'honneur de la demander en mariage. Le vieil Anthony leva brusquement la tête. Monsieur Ashley continua. Il m'a dit qu'il agissait à votre instigation. Il m'a répété aujourd'hui que vous et Madame Der l'aviez encouragé à compter sur Marie. C'est vrai, mais je ne savais pas qu'il vous en eût parlé. Comment pouviez-vous, excusez-moi si je suis franc, comment pouviez-vous entretenir une pareille idée? Peut-être la trouvez-vous présomptueuse, ricana Monsieur Der. Certainement. Toute personne impartiale la trouverait-elle? Je mets hors de discussion l'absence de position de Cyril. Je ne parle que de la convenance. C'était la présomption poussée au dernier degré que d'aspirer à une alliance avec Marie Ashley. J'en étais très mécontent, et Henry considère cette demande comme une insulte. Qui est donc Henry? Demanda M. Der d'un ton méprisant. Un hypocondriac rêveur. Cyril n'est-il pas aussi bien né que Marie Ashley? A-t-il été aussi bien élevé? Le prouve-t-il? La conduite d'un homme est de bien plus grande importance que sa naissance. Il paraît que vous estimez fort peu la naissance ou l'éducation. Sans cela, vous ne placeriez pas Halliburton au même niveau que vous. La naissance de Halliburton est aussi élevée que la vôtre ou la mienne. La mère de son père et le père de votre femme étaient sœurs et frères. M. Der fut interdit. Je ne savais pas cela, répondit-il assez brusquement. Je sais seulement comment il a été élevé, lui et ses frères. Moi aussi, et je voudrais que bien d'autres eussent été élevés de la même manière. Comment ? Mais ils ont dû gagner leur vie, exclama M. Der. Ils n'ont pas été élevés comme des gens de distinction, ils n'ont pas toujours eu de quoi manger. Cette dernière phrase arracha un rire involontaire à M. Ashley. En tout cas, ce manque de nourriture ne les a pas empêchés de grandir et ne leur a point fait de tort au point de vue physique. Reprit-il d'un ton un peu railleur, ce sont de beaux hommes, M. Der, ce sont des gentlemen, quelle qu'était leur éducation, des hommes d'honneur, de cœur, d'esprit et de manière. Peu m'importe, riposta M. Der. Je ne suis pas venu pour parler d'eux, mais de Cyril. C'est une injustice de donner ainsi à Halliburton la place qui devait appartenir légitimement à Cyril. Cyril dit que vous avez annoncé publiquement ce matin que Halliburton est le maître après vous. C'est une injustice flagrante. Aucun homme n'a jamais osé me taxer d'injustice, répondit fermement Thomas Ashley. J'étais plus que juste à l'égard de Cyril. Le mot juste n'est pas exact. J'ai été beaucoup trop indulgent avec lui. Faut-il vous dire que je l'ai gardé ici dans l'espoir que la manière dont je le traitais l'encouragerait à se corriger? Je ne voulais pas le renvoyer pour qu'il devienne la risée de la ville. J'ai enseveli dans les profondeurs de l'oubli la grande faute dont il s'est rendu coupable ici. Il était jeune, je ne voulais pas flétrir sa réputation, le seuil même de sa carrière commerciale. Une grande faute ? Fit M. Der à moitié effrayé. Thomas Ashley se rapprocha de lui, et tout bas, quand il m'a volé ce billet, vos soupçons ont été aussi justes que les miens. M. Der poussa un sourd gémissement, ses mains supportant son menton, restaient croisées sur sa canne. M. Ashley reprit. J'étais convaincu que le coupable n'était autre que Cyril, et j'hésitais quelque temps sur ce que j'avais à faire. Mon premier mouvement eût été de le renvoyer, même de le faire arrêter. Je ne le fis pas, par égard pour les parents de ma femme, et je le gardais. Par affection même pour lui, je voulais lui donner la chance de racheter la faute qu'il avait pu commettre dans un moment de tentation. Je lui parlais en particulier, je ne lui dis pas positivement que je le croyais coupable, mais il dut comprendre que mes soupçons s'étaient éveillés sur lui. Je lui montrai que sa conduite laissait à désirer. Je l'avertis que son renvoi définitif serait la conséquence de la plus légère récidive. Il resta donc, je le surveillais constamment, prenant toutes les précautions nécessaires et gardant soigneusement mes clés. James Maisey reçut l'ordre de ne jamais laisser M. Cyril payer les ouvriers ni compter les gages, et quand il me regarda d'un air étonné, j'ajoutai qu'il n'y avait pas de raison pour donner à M. Cyril un emploi qu'il détestait particulièrement, et pour lequel Matisse, ou même en cas de nécessité, M. Halliburton, pouvait le suppléer. « Ne croyez pas, M. Dare, que j'ai jamais été injuste envers votre fils. Si j'ai eu un tort, c'est d'avoir été trop bon. » Il eut un long temps d'arrêt. Anthony Dare, en dépit de lui-même, comprenait sans doute cette bonté. « Avez-vous eu à vous en plaindre depuis lors ? » demanda-t-il. « Il ne m'a plus volé, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup à me plaindre de sa conduite générale. Il est menteur. Il est venu ici dans l'état que je vous ai mentionné. Il est incorrigiblement paresseux. Il s'imagine sans doute, parce que je ne prends pas une part très active à la direction des affaires et des ouvriers, que je reste ici les yeux fermés. Mais il se trompe grandement. Je sais tout ce qui se passe ici, presque aussi bien que Samuel Lynn. Regardez ses gants, par exemple, cause de tout cet ennui. Cyril peut assortir. Il en est capable plus que moi-même, mais il le fait de travers. Et toutes les douzaines qu'il a sorties doivent être revues. En somme, il ne met d'aucune utilité réelle, car il ne se donne jamais la peine de faire bien ce qu'il entreprend. Ce serait un fameux directeur en vérité. En prenant tous ces faits en considération, vous ne serez pas surpris qu'une demande de mariage de ma fille par Cyril m'ait fort l'air d'une insulte. Ainsi donc, M. Ashley savait tout, et les espérances de Cyril, son avenir tout entier, croulaient. « Que va-t-il faire maintenant ? » demanda M. Dare. « Je n'en sais rien. À moins qu'il ne change de conduite, il ne fera jamais rien de bon. Ne voulez-vous pas le reprendre ? Non. » prononça fermement M. Ashley. « Il est parti de lui-même, il en subira les conséquences. Aussi bien, si je lui permettais de revenir, il ne resterait pas 8 jours, j'en suis certain. Il n'y a pas de doute que Cyril a joué un rôle pour s'attirer en ma faveur et mener à bonne fin ses espérances. Les espérances évanouies, il ne garderait même plus les apparences. » Et ne se soumettrait pas aux ordres de William Halliburton. Il vaut mieux que les choses restent où elles en sont. Je suis sûr que si on lui offrait de revenir, il ne le voudrait pas. M. Dare avait au fond la même opinion, quoiqu'il eût l'air de croire le contraire. « Alors vous ne voulez pas de lui pour votre associé ? » demanda-t-il. « Monsieur Dare, je suppose que vous prendrez Halliburton, c'est très probable. Celui que je prendrai doit être un homme d'honneur et de probité, et un gentleman. » ajouta-t-il en appuyant sur le dernier mot. William Halliburton réunit toutes ses conditions. Anthony Dare se leva en soupirant. Mes fils ont été le fléau de ma vie. Balbutia-t-il, je me demande souvent pourquoi ils sont nés si mauvais. Ah, fit Thomas Ashley, ce n'est pas de leur naissance, c'est de leur éducation que viennent leurs défauts.